44e chapitre, épilogue. Quelques jours après le supplice du cadet des Beaumanoir Eder, Dugranek et Clara, ayant appris l'arrivée du malheureux Amaury, s'empressèrent d'aller lui rendre visite. Ils ne pouvaient se dispenser de remplir ce triste et pénible devoir. Quand ils entrèrent, l'infortuné baron était au lit, dans un état de grande souffrance. Il avait bien de la peine à se remettre du coup fatal qui venait de le frapper. Non seulement il avait perdu un frère qu'il adorait, mais encore celui-ci avait terminé sa vie par une de ces morts qui entachent à jamais l'honneur d'une famille. Désormais, le noble écusson des Beaumanoir était flétri, car la fontenelle, juvénieur de cette maison, avait fini sur la roue. Juvénieur est un terme de féodalité, cadet apanagé. Selon la coutume de cette province, Bretagne, tous les juvénieurs de Rohan devaient être hommes liges du duc de Bretagne. Il y a trois formes de tenue noble. La première est appelée lige ou allégeance, qui est quand le vassal tient prochement et ligement du seigneur. La seconde est la tenue du juvénieur d'aîné en parage et ramage, qui est du puîné vassal ou des descendants de lui à son frère aîné, seigneur ou descendant du dit aîné. Définition du litré dans le français d'autrefois. À la vue de Dugranek et de Clara, la physionomie mélancolique de Beaumanoir s'anima tout à coup. Des larmes abondantes sillonnèrent son visage, et il parut éprouver un grand soulagement de leur présence. « Merci de votre attention, mes bons amis, » s'écria-t-il. « Soyez bien sûr que mon cœur ne l'oubliera jamais. » Les deux époux attendris ne répondirent rien. Ils se contentèrent de s'incliner et de presser affectueusement la main que leur offrait le baron, mais ils n'essayèrent point de lui prodiguer leur consolation. Ils savaient trop bien que rien ne peut consoler les grandes peines du cœur, que le temps seul, sans les faire oublier, les adoucit, et qu'alors la tristesse et le silence sont le vrai langage de l'amitié. Leur visite fut donc extrêmement courte, et ils se retirèrent presque aussitôt. Une semaine après, Amaury, auquel le séjour de Paris était devenu odieux, se mettait en route pour la Bretagne dans la compagnie de Dugranek, de Clara et de l'intendant de Romard. Du château de Beaumanoir, où ils restèrent quelque temps se reposer, les voyageurs se rendirent tous à Coisdélan pour voir la pauvre Marie, qu'ils trouvèrent inconsolable et dans un état digne de pitié. Monsieur et Madame de Mézarnoux étaient alors près d'elle. Depuis la veille seulement, Marie avait appris l'affreuse nouvelle qui détruisait pour elle toute espèce de bonheur. Celui qu'elle aimait le plus au monde était mort ignominieusement. Dans son désespoir, elle se reprochait de n'être pas allée se jeter aux pieds du roi. Cependant, sa douleur s'exhalait le plus souvent quand elle était seule, et dans les moments où personne ne pouvait entendre ses plaintes. C'était surtout devant son beau-frère qu'elle s'efforçait d'être silencieuse et de paraître plus calme, parce qu'elle se rappelait que c'était lui qui s'était opposé à son départ. Comme elle avait appris depuis longtemps à connaître son noble cœur, elle se fut faite un crime de lui adresser quelques reproches. En vain, plus tard, le baron et Dugranek la supplièrent-ils de venir avec eux habiter à son gré, ou Beaumanoir, ou le château du Laz. Elle les refusa obstinément, en disant qu'aucun séjour ne pourrait à l'avenir remplacer pour elle Coisdélan, qui lui était devenu d'autant plus cher que seul il lui rappelait la fontenelle. Amaury et Dugranek se gardèrent bien d'insister. Ils prirent la direction du Laz, où le baron consentit à aller passer quelques mois. Au bout d'une année de séjour à Coisdélan, l'état de l'infortunée Marie, au lieu de s'améliorer, devint extrêmement alarmant. Sa profonde tristesse se transforma en une espèce de découragement et de langueur maladive que la vue des lieux habités par la fontenelle ne put dissiper comme d'abord elle l'avait espéré. Au contraire même, les sites, les bois, les jardins qu'elle avait tant aimés naguère à parcourir avec lui, loin d'apporter du soulagement à ses maux et à ses ennuis, ne firent que les aggraver. Partout elle semblait chercher son mari, et partout elle ne rencontrait qu'un horrible vide que rien pour elle ne pouvait combler. Souvent encore, elle allait jusqu'à douter de la réalité, et elle ne pouvait croire à sa mort. Et puis, il lui prenait d'étranges terreurs. Elle sentait au fond de son âme blessée qu'elle n'aurait pas la force de résister bien longtemps à la vie triste et isolée qu'elle menait à Coisdélan. Chaque jour, elle priait Dieu pour qu'il la rappelât à lui, car elle avait hâte d'aller rejoindre celui qu'elle avait adoré sur la terre. Son père et sa mère, qui n'avaient pas voulu la quitter au milieu de ses chagrins, voyant l'accroissement de son mal et le dépérissement de sa santé, lui proposèrent de venir avec eux passer quelque temps à Mézarnoux. Marie sembla accueillir cette proposition avec beaucoup de plaisir, et quelques jours après, elle habitait la charmante gentilhommière où s'était écoulée son enfance. Là, elle parut un moment recouvrée dans les bras de sa bonne Marguerite, qu'elle retrouva jouissant d'une parfaite santé, un peu de calme et une partie de sa sérénité d'autrefois. Mais fatiguée du séjour de Mézarnoux, qui lui rappelait encore de tristes souvenirs, elle supplia sa mère de lui permettre de se retirer avec Marguerite chez une de ses parentes au manoir de Kénicunan, dans la paroisse de Merléac. Historique. De cette résidence, elle adressa une procuration générale à de Romard et le chargea de continuer à administrer tous ses biens. Marie ne survécut pas longtemps à La Fontenelle. 2 ans après l'exécution de celui-ci, elle mourut sans enfant et s'éteignit dans les bras de sa mère qui recueillit son dernier soupir. Toute sa grande fortune repassa à la famille Le Chevoir. Du Granec et Clara vécurent de longues années, chéris et honorés de leurs amis et de leurs voisins. Ils laissèrent après eux un fils et une fille, héritiers de leur vertu et de leur grande fortune. La vieille Ursule ne les abandonna pas, elle finit ses jours à leur service. 5 ans après la mort de Guéder, le temps ayant un peu apaisé les douleurs du baron de Beaumanoir, il épousa une demoiselle d'une famille illustre nommée Marie du Poirier. Historique. Il fut aussi heureux qu'il pouvait l'être après les affreux malheurs qu'il avait éprouvés. Quant à de Romard, il s'amanda dans ses vieux jours et continua à gérer avec la plus grande intégrité la fortune de la famille Le Chevoir. Tous ceux qui le connurent autrefois s'étonnent du merveilleux changement qui s'est opéré chez cet homme de guerre. Pendant plusieurs années, Quilliac fut inconsolable de la mort de son jeune maître. Toujours aussi intéressé que par le passé et entraîné par son goût pour le lucre, il alla établir une taverne à Quimper, n'osant retourner à Brest, de crainte d'avoir de vieux comptes à régler avec Monsieur de Sourdéac. Là, souvent le verre en main, il se plaisait à raconter aux buveurs qui fréquentaient son cabaret les terribles aventures de sa vie de soudard. Mais avec le temps, sa passion pour les liqueurs spiritueuses n'ayant fait que s'accroître, il ne tarda pas à succomber aux suites d'une congestion cérébrale. Pour la Boule, l'autre lieutenant de La Fontenelle, il fut tué en duel au Pré-au-Clair par un chevau léger avec lequel il avait eu querelle. Depuis peu, il était parvenu à entrer dans ce corps en qualité d'officier. Le vieil Hervéic, l'aveugle, a vécu encore plusieurs années, mais les forces lui ayant manqué, il a été forcé de renoncer à se rendre aux foires des environs. Quelquefois, cependant, les jours de fête, assis sur les marches de sa chaumière, il aime à chanter des guerres et des complaintes aux nombreux auditeurs qui se pressent autour de lui. Quant aux autres personnages que nous avons mis en scène et dont les noms appartiennent à l'histoire, nous dirons que Mercœur, après avoir servi quelque temps en qualité de volontaire, fut nommé généralissime des armées de l'empereur Rodolphe. Dans la guerre qu'il eut à soutenir contre les Turcs, il se couvrit de gloire et se montra aussi vaillant qu'il l'avait été en Bretagne. Appelé en France par des affaires domestiques, il tomba malade à Nuremberg, où il mourut en 1602 à l'âge de 44 ans. Quant à Monsieur de Sourdéac, il demeura longtemps gouverneur du beau château de Brest, où son souvenir n'est pas perdu, puisque de nos jours, en face de la Mâture, on montre encore le superbe bastion qui a conservé son nom.